Yeah. 9-1, 9-5. Yeah. J'vis dans la pression, entre l'oppression et l'injustice. La justice veut mettre en prison. Trop de censure, où est la liberté d'expression? Trop de tension, sans ma haine dans cette chanson. Viens voir dans la rue comment les gens sont stressés, pressés de ne plus être oppressés. Nos vies sont brisées, à 16 piges on arrête le lycée. C'est triste mais c'est vrai, on ne croit plus en l'Elysée. Loin du monde parfait, on tombe pour ce qu'on n'a pas fait. Abus de pouvoir, ces bâtards m'en ont fait baver. Ils communiquent pas, non, ils préfèrent baffer. J'ai avé pour outrage et je me retrouve jugé. Lourde est la peine, je peux pas la porter. Foutez-moi la paix, je peux pas vous supporter. Besoin d'air, laissez-moi prendre mon souffle, hein. J'ai les pieds sur terre, pourtant je rêve souvent. Pression face à la discrimination. Répression contre la corruption. 2006, mon objectif, c'est faire de pression. Yeah. Pression face à la discrimination. Répression contre la corruption. 2006, mon objectif, c'est faire de pression. Je suis devenu un grossiste de faux fat à domicile. Je vends du rêve au public et des cauchemars au MC. Pardonnez-moi, c'est ma bouche et ta missile. J'ai tellement fait kiffer l'enceinte que le micro me remercie. Merde, je veux la gloire, disque d'or dans l'armoire. Pas comme la plupart, car mon rap se vend, dit ma gloire. J'ai streamé dans les caves et traîné des cadavres. Putain, j'en ai ma claque, si je perce pas, c'est grave. Pourtant, j'ai refusé leur strass et paillettes. Car dans leur monde, je veux pas y être. Et là, je me trouve, je me sens net. Ils veulent du son, du bitume sans le connaître. Les imposteurs et acteurs veulent nous la mettre. J'emmerde au rap game à la con. J'voudrais être dans mon monde car j'ai déjà choisi mon clan. Car la attitude trop dure pour le hip hop. Authentique MC qui ne baisse pas son froc. Pression face à la discrimination. Répression contre la corruption. 2006, mon objectif, c'est de faire de pression. Yeah. Pression face à la discrimination. Répression contre la corruption. 2006, mon objectif, c'est de faire de pression. À toutes ces victimes de bavures policières. Ces innocents emprisonnés, qui sont nombreux et ça vous le savez. Si ça fait ce que j'ai à leur dire, aucun de ceux qui nous dirigent nous sont compris. Avec 30 années de retard, et en 5 minutes ils nous sont mis à l'écart. Largués dans nos cités dortoirs, comme de vulgaires cafards. Pensez-nous grâce à l'idée de s'insérer, mais plus fort que jamais, personne n'a lâché l'affaire. Et de notre voir, on en a fait d'espoir. Nos cages d'immeubles rassemblent plus d'euros que la boutique du coin de la rue. Et pour ça ils nous ont construit des maisons tarées. Nos parents exploités pendant de nombreuses années. Et pour eux j'ai le courage de combattre l'oppression. Leur manière de voir est la même depuis des générations. Ils ne s'arrêteront que pour fêter leur victoire autour d'un bon pinard. Bande de salvignards, l'insertion si du bidon que des bobards. Comme la justice ici n'a qu'une couleur. Donc pour elle c'est face au risque de finir cible ou neutralisé. On n'est plus les bienvenus, le message est reçu. Les banlieues c'est considéré comme dangereux. Moi je m'y sens bien, le problème c'est le manque de moyens.